cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال العلامة الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه العائق الثاني ترك العمل dans le درس précédent on a fini العائق الأول le premier obstacle في طلب العلم la mauvaise نية طلب العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى. Le deuxième obstacle, ترك العمل. Ça nous montre que طلب العلم, c'est une niya. Et pourquoi j'étudie? Pourquoi je fais des efforts? C'est dans le cœur. كذلك طلب العلم, ça implique العمل. C'est pas des connaissances ou de la culture, فقط, ou l'achat de livres. Là, طلب العلم, c'est une voie. Celui qui l'emprunte, il doit faire des efforts fil ilm et il doit appliquer. Amma emmagasiner l'ilm et ne pas appliquer, fahada c'est khatir. C'est khatir jidda. Limadha li anna hadha l'ilm, ça devient une hujja contre sahibihi. Wa Cheikh Abd Salam rahmatullah alayh, il a cité quelques paroles de certains imams. قال رحمه الله قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما يتعلم العلم ليتقى الله به إنما يتعلم العلم أي on apprend العلم pourquoi ليتقى الله به pour craindre الله سبحانه وتعالى لا غير في الحقيقة السبب أي العمل il est lié avec النية. Celui qui a une bonne niya, et on avait cité Kalam Ba'ad Ahl al-Ilm, elle n'a parmi la bonne intention, c'est d'avoir comme objectif d'appliquer l'ilm. Celui qui n'applique pas, il a un problème fi niya. Ça arrive de délaisser certaines choses, dhaf, oubli. Ça arrive, l'insan, il n'est pas ma'soum. Lakin, c'est une habitude. Et niya, aslan, c'est pas pour appliquer. هذا خطير جدا بل c'est une ressemblance à اليهود الأشرار كما قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كمثل الحمار يحمل أسفارا الأسفار c'est le كتب c'est le livre فالله سبحانه وتعالى il a comparé اليهود لماذا لأن قال عز وجل مثل الذين حملوا التوراة أي سلي جويف كيز نغسو التوراة ثم لم يحملوها أي ils n'ont pas mis en application أي leur livre ils avaient du علم ils avaient ce livre التوراة أي avant qu'elle soit falsifiée c'est من كلام الله عز وجل c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى التوراة que Allah il a révélé à Moussa لا شك أن اليهود avaient connaissance de هذه التوراة. C'était leur livre. قال عز وجل ثم لم يحملوها أي pas de pratique, pas d'application. فقط علم. قال عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا. C'est comme un homme qui transporte des livres. قال الشيخ سعدي في تفسيره سورة الجمعة le verset qu'on a lu ذكر أي عز وجل أن الذين حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى اليهود كذلك النصارى le livre qu'ils ont reçu à l'Injil ils l'ont pas mis en pratique إلا قليل منهم et كذلك اليهود قليل منهم qu'ils ont suivi Moussa الحمد لله c'est des ceux qui ont suivi Moussa ils ont cru au message c'est des مؤمنون من أتباع موسى et ceux qui ont suivi عيسى الحمد لله مؤمنون أما كثير منهم ils ont pas appliqué وانحرفوا et ils ont déformé et عيادا بالله الآن اليهود والنصارى كثير منهم ils suivent pas le prophète محمد صلى الله عليه وسلم بل ils s'entêtent على كفرهم قليل منهم ceux qui reviennent et يتوبوا فهؤلاء قال الشيخ وأمرهم وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا بما فيها وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم وأنهم لم يحملوها نعم ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا فضيلة لهم أي si ils mettent pas en application même même si Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé pour eux ce livre sur son messager Moussa sallallahu alayhi wa sallam ou Isa alayhi salatu wa sallam, ça c'est d'aucune utilité, il n'y a aucune fadila pour eux. قال وأن مثلهم وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم. بل c'est comme des ânes ou comme un âne qui transporte des كتب. فتصور هذا المثال وتأمله. حمار un âne, tu peux lui faire porter des charges très lourdes. الله أعلم combien de كتب il va les transporter, il va avancer. قال فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ Est-ce que cet âne va profiter? Abadan. Abadan. C'est pour ça que Allah il a cité هذا المثال. Celui qui apprend sans mettre en application, c'est comme un âne qui transporte des kutub. Il n'y a aucune faïda pour lui. De nos jours, c'est comme un ordinateur. Un ordinateur, l'âne, tu peux télécharger, tu peux stocker des millions de livres là. Est-ce que l'ordinateur y profite? Abadan. Si wahad il sait utiliser et profite, alhamdulillah, wa illa l'ordinateur il profite en rien. Il emmagasine. Amma l'être humain il aura des comptes à rendre. قال الشيخ رحمه الله وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك أم حظه منها حملها فقط؟ هذا مثل علماء اليهود الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجله وأعظمه الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح, ils ont pas mis en application la Torah. Et parmi les obligations, les ordres qu'il y avait dans la Torah, c'est de croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui allait venir et le suivre. Aktharuhum, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, ils l'ont pas cru. Bal harabou, ils l'ont combattu et ils l'ont insulté, ils ont essayé de le tuer. Ayyadan billah. Et jusqu'à aujourd'hui, hal al-yahoud wa al-nasara ma'rouf. قال والإيمان بما جاء به من القرآن فهل استفاد من هذا من هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه فهذا المثل مطابق لأحوالهم وهكذا من تشبه بهم. On avait lu la parole d'Ibn al-Qayyim ensemble في تفسير سورة الفاتحة. غير المغضوب عليهم أي اليهود كذلك النصارى كذلك ceux qui ressemblent à هؤلاء. لماذا غضب الله عليهم؟ لأنهم ils ont pas mis en application leur علم. السلف ils mettaient en garde contre هذا. والشيخ عبد السلام رحمة الله عليه il a cité ce point dans cette رسالة عوائق الطلب. قال فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه هذا عند أولي الألباب الذي أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا. صحيح. Ça c'est pour أولي الألباب. الألباب c'est جمع لب, واللب c'est العقل, la raison. Et ils traduisent par les doués de raison. صحيح. أن celui qui réfléchit et qui médite tous les efforts qu'il fait, les sacrifices qu'il fait, ثم il ne met pas en application, يتعب نفسه, il se fatigue. بل c'est une حجة contre lui, il sera peut-être châtié et il profitera en rien et rubbama il s'égare. Amma ulul albab chacun d'entre eux ils font des efforts. Limadha li'anna ils ont choisi ce tariq et ils se contredisent pas. Lakin on doit faire attention à une chose, ad-dunya. Ce qui écarte min al-amal c'est ad-dunya. C'est tam'a. Hatta le cœur il devient dur. Thumma al-insan saniya rubbama il change ou elle était mauvaise dès le départ et il apprend, c'est pas pour l'amal. C'est pour une place, c'est pour être point montré, c'est pour être élevé, c'est pour l'argent, il a akhir. قال الذي أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ça implique l'amal. Celui qui fait des efforts sur l'ilm et qui met en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala أراد به خيرا. Et c'est une ni'mah azimah. قال ومقولة سفيان هذه عنوان يجب أن لا يعزب عن بصر أو عن بصر وبصيرة طلاب العلم. كلام جميل. أن الأثر دو سفيان tu ne dois pas l'oublier. Tu dois toujours t'en rappeler en tant que talib ilm. Ay, innama yata'allam ou yuta'allam l'ilm li yuttaqallahu bih. Sahih. Ne pas oublier mitla hada. Ça t'aidera dans ton parcours fil ilm, inshaAllah ta'ala. قال وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى العبد يوم القيامة il sera interrogé sur quatre choses. قال عليه الصلاة والسلام عن عمره فيما أفنى أي sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, est-ce que il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, le but pour lequel il a été créé, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ou toute sa vie c'était dans le travail, dans le dunya, dans les projets, dans l'argent, dans les passions, dans le sport, yadam billah. L'insan il sera interrogé, cette ville un tu seras interrogé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé et il t'interrogera. Enfin, on doit faire attention et ça passe très vite. Ça passe très très vite. Al-umur. Ta vie, ta durée de vie, elle va passer très très vite. Al-insan yahdhar. Daiman, il se rappelle l'objectif. Annahu khuliqa min ajli al-ibada. Pour adorer Allah azza wa jalla. Qala wa an ilmihi fima fa'ala bih. كذلك son ilm. Tous ceux qui ont du ilm, que ce soit un peu, que ce soit beaucoup, que ce soit énormément, ils seront interrogés. ماذا عمل بهذا العلم? Et qu'est-ce que tu as fait de ce ilm? Ça nous pousse à faire très très attention. Faire des efforts pour l'ilm, c'est طيب. Lakin, c'est profitable avec une bonne niya et l'application. وإلا فماذا سيقول العبد؟ Celui qui a étudié, même s'il a étudié beaucoup, même il arrivait à un niveau très élevé, même les gens ils le complimentaient, parlaient de lui en bien, il a arrêté. Si en qiyama il a pas mis en pratique, enfin qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre comment? Chaque année il pourra pas répondre. Et s'il répond pas, ça devient contre lui. عيادم بالله. قال وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك une question sur المال, l'argent. D'où tu as eu cet argent? D'où il provient? Est-ce que c'est min halal ou min haram? ثم les dépenses. Et dans quoi tu as dépensé ce mal? Il y en a بعض الناس ils travaillent في الحلال ثم ils dépensent في الحرام. Et بعض الناس عياد بالله ils font du haram et ils dépensent dans le haram. Et بعض الناس ولله الحمد ils travaillent dans le halal et ils dépensent dans le halal. Donc, al-mal kadhalik. Al-mal c'est une ni'ma s'il est dépensé fi al-khayr. Et c'est une niqma, une fitna s'il est dépensé fi al-shar ou il est gagné dans le haram. Iyadun billah. Qala wa an jismihi fima abla. Hatta ton corps. Al-jism c'est le corps. Ton corps, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu l'as utilisé pour secourir din Allah azza wa jalla, pour propager din Allah, pour adorer Allah? Ou, iyadan billah, ba'd an-nas, leur corps c'est une fitna. Et ils utilisent ce corps fi shar, iyadan billah. Wa akhraj al-khatib nahwahu wa fihi wa 'an 'ilmihi madha 'amila fihi. Na'am, wa 'an 'ilmihi madha 'amila fihi. Ton ilm, qu'est-ce que tu en as fait? Avoir du ilm c'est une chose, lakin pratiquer, c'est une autre. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam akhbara anna al-Qur'an et c'est afdal al-ulum hujjatun lak aw alayk. Donc al-ilm c'est une hujja pour sahibi, celui qui a du ilm, c'est une hujja pour lui si c'est mis en pratique. C'est une hujja contre lui si c'est pas mis en pratique. Enfin, on fait attention là, nata'athar bi al-kafara fi hadha al-bab. تعلمون أن بعض الكفرة ربما يفون des efforts dans certains علوم. Ça peut être même le Coran. وبعض المستشرقين. Et c'est des gens qui apprennent l'islam, لكن pas pour adorer Allah. إما pour le combattre, إما par curiosité, إما عيادن بالله par passion بعضهم. Ils aiment la langue arabe et l'akhir, لكن لا يؤمنون. هؤلاء, ça sera une حجة contre eux. كذلك فا attention لا نتأثر بأهل هذا الزمان لأن on vit à une époque الآن الناس العلم c'est devenu du stockage, on stocke. Celui qui a le plus de livres, celui qui connaît le plus par cœur telle chose, et ayadam billah, comme si c'était un concours. Et il n'y a pas beaucoup d'amal. Nahdhar min hadha, on fait attention. Qala, wa fihi, an Abi Darda, radiyallahu anhu, annahu qala, la takun aliman hatta takun muta'alliman, wa la takun bil ilm aliman hatta takun bihi aamilan. Ta'ammal, la takun bil ilm aliman. Aïe, ton ilm te sera profitable. Mata hatta takun bihi amila. Celui qui veut devenir un alim, un savant, hatta il applique. Amma s'il n'applique pas, ça reste un jahil fil haqiqa. Limada li anna s'ilm, il n'en profite pas. Celui qui profite de l'ilm, c'est al-ulama, c'est talabatul ilm. C'est celui qui est sincère, qui l'applique, même s'il connaît un peu, alhamdulillah, il profite. Wa fihi, na'am, wa akhraj al-khatib. كأنه فيه أي عند الخطيب في اقتضاء العلم والعمل c'est un kitab نافع c'est une référence dans ce sujet اقتضاء العلم العمل أي ce qui suit العلم c'est العمل c'est un livre qui traite ce sujet أي العلم la science et العمل l'application et الشيخ عبد السلام استفاد منها ici c'est آثار وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل أي si le علم il est pas suivi par العمل فهذا العلم يبقى لأن العلم يبقى عند صاحبه ويستفيد منه صاحبه إِذَا عَمِلَ بِهِ S'il le met en application. وَإِلَّا il l'oubliera. S'il l'oublie pas, c'est une hujja contre lui. C'est une fitna. وَعَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَّاضِ أَنَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا يَزَالَ الْعَالِمُ جَاهِلًا بِمَا عَلِمْ حَتَّى يَعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا نعم. Tant qu'il met pas en application, ça reste un ignorant. Même s'il connaît le Coran, même s'il a appris par cœur صحيح البخاري وصحيح مسلم et autre, ça reste un jahil. لأن الحفظ, c'est une partie du ilm كما تقدم. Il ne faut pas qu'on oublie la chose la plus importante, la plus importante, النيه. كذلك العمل, كذلك propager. Tout ça, c'est مهم. ويقول حبيب ابن حجر كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم وأحسن العلم بزينة العمل وما أحسن العمل بزينة الرفق وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم ما أحسن الإيمان بزينة العلم وأحسن العلم بزينة العمل ça va ensemble علم بلا عمل on répète il n'y a aucune فائدة قال العلم أو العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه هكذا قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه العمل بالعلم ça va t'aider à retenir la mise en application ça va t'aider à retenir هذا العلم le fait de délaisser l'application هذا العلم سيضيع كما قال لضياع العلم ونسيانه ولذلك قال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وكنا نستعين على طلبه بالصوم هذا هو طريق السلف dans ce باب الشعبي رحمة الله عليه c'est un grand imam من أئمة السنة وكنا نستعين أي بعد الله عز وجل il s'aidait avec quoi pour retenir العمل ils apprenaient un hadith pour le retenir et le mettaient en application Et le fa'ida, elle est là, si tu mets en application. Mais on connaît maintenant un hadith, c'est obligatoire de faire telle chose. Tayyib, tu le connais. Thumma, tu ne le mets pas en application. Aïna le fa'ida. Ou rubbama, celui qui ignore, l'ignorant, peut-être qu'il sera excusé, si son excuse, elle est valable. Il ne savait pas, il ne peut pas mettre en pratique une chose qu'il ignore. Mais celui qui sait, il l'a appris. Hivd, وربما يكون تخريج الحديث ربما يكون الحكم إلى آخره ثم لو ميبو ان ابليكاسيون أين الفائدة؟ سي حجة كونتخ لوي. فهم رحمة الله عليهم يسيد اي بوغ لا ميموريزاسيون افيك العمل. Et celui qui met en application un hadith, voilà aussi, c'est pas toujours, si c'est pas une obligation. Voilà aussi, c'est de temps en temps. S'il a des faiblesses, il ne le délaisse pas complètement de temps en temps. Alhamdulillah, il fera partie au Qiyamah de ceux qui ont appliqué هذا الحديث. Et c'est une ni'ma azima. Amma les obligations, enfin, c'est obligatoire. قال وكنا نستعين على طلبه بالصوم. Et ça, c'est une faïda azima pour nous. Anna, si tu veux avancer fi l'ilm, fais des efforts fi l'ibad. لأن البركه في العلم c'est min Allah. Vous avez remarqué que بعض الناس il y a beaucoup de baraka fi talabihim lil'ilm. Peut-être que il fait moins d'efforts que d'autres dans certaines choses, peut-être qu'il a étudié moins de temps que d'autres, lakin an-naf' il est a'zam pour lui et pour les autres. An-niyya awwalan l'intention tal'ab dawr kabir. L'intention, elle joue un rôle énorme. Et كذلك العبادة. فرضي الله عنه قال وكنا نستعين على طلبه بالصوم. أي on s'aidait pour avancer dans l'ilm en jeûnant. فالصيام ça les aidait. Ne crois pas que l'ibada ça te ralentit. لا العبادة que ce soit صوم ou autre بإذن الله عز وجل ça te mettra de la baraka dans ton temps. خاصة قراءة القرآن. Prends du temps et tu verras que Allah subhanahu wa ta'ala va te mettre de la baraka. Amma on délaisse l'ibada. Qaddar wahid, ayyadan billah, il délaisse l'ibada. Même le masjid, il va pas. Et il se consacre au ilm. Les allers-retours au masjid, pour lui, c'est une perte de temps, alors que c'est une ibada azima. Chaque pas. Et la dua que tu vas faire en rentrant au masjid, en sortant, salat al-jama'a, la récompense, haqiqa, c'est un khair azim. Lakin qaddar wahid, il veut délaisser hada. Et il ne fait pas de siyam, il ne fait pas de nawafil, que l'ilm. Il aura peut-être plus de temps qu'un autre. Lakin, il y aura beaucoup moins de baraka. Même le Coran, il ne le lit pas. Il veut que les doros, que il n'aura pas de baraka dans son temps. Et rubbama yubtala, rubbama yusraf, rubbama une maladie ou autre, elle l'éloigne de l'ilm. Là, walaw, on passe moins de temps, lakin, tant que ce n'est pas perdu dans autre chose, Hakika, t'as rien perdu, t'as tout gagné. Enfin, celui qui fait siyam, voilà, ou 3 jours par mois. Ça ne veut pas dire que tu fais siyam, hatta, tu faiblis. Et rubbama, il y en a 4 siyam, rubbama, ça affaiblit l'insan, ça dépend des personnes. Et il a du mal, après, à faire certains efforts, fait le hifd ila akhri, li'annahu, il a faim. Et ta'lamoun, anna as-sa'im ahyanan yat'ab, il a du mal à faire certaines choses. لكن شكا سلو سيموين ولو 3 جوغ بار موا الحمد لله نحن هنا ان ضعف حتى في هذا احيانا celui qui peut lundi le jeudi الحمد لله الصلاه ولو كلك ركعات الرواتب الضحى 2 ركعات او بلس avant الظهر au milieu de la matinée الحمد لله نعمه وهكذا toutes les عبادات القران ولو ان جزء بار جوغ la lecture, ou alors un hizb, celui qui ne peut pas un juz, alhamdulillah, ni'ma. Amma, ne pas faire d'efforts fil ibada, pourquoi on étudie alors? Pourquoi? Si c'est pour l'ibada, enfin les ibadats qu'on connaît, on essaye de les mettre en application. Qala, wa qala al-thawri, rahimahullah, Sufya, Abu Abdillah al-imam, qila li ba'di al-hukama, ma lakum, أطلب الناس للعلم قال لأن أعمل الناس به. Pourquoi vous étudiez beaucoup هذا العلم؟ فايز ont répondu لأن on fait partie de ceux qui appliquent le plus. فايز ont besoin d'apprendre لأنهم ils appliquent beaucoup. رضي الله عنهم. وضد ذلك أي هذا كلام شيخ عبد السلام أي le contraire de هذا أي ne pas appliquer. قال يذهب بالعلم ويورث النسيان. Et ça c'est une des causes pourquoi on oublie في العلم. إما c'est pas mis en application, إما les péchés, المعاصي. Ça fait oublier. كما جاء عن بعض السلف et il va citer certains آثار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. ابن مسعود رضي الله عنه قال أن سي واحد يلوبلي سي واحد يلوبلي une chose qu'il a apprise, ابن مسعود رضي الله عنه قال ça peut venir d'un péché qu'il a fait avant. وهذا عن السلف. Il y a beaucoup de آثار في هذا. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هكذا دأب السلف أي leur attitude في العلم leur منهج في العلم. Ils avancent هكذا علم وعمل. هذا معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ils apprenaient divers ثم ils apprenaient bien sûr المعنى ثم la mise en application. فإذ ont appris كما قال فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. Ils ont appris le Coran et l'amal. Tu trouves الآن بعض ربما إمام في المسجد il est حافظ القرآن متقن في الحفظ et des ma'asi devant tout le monde, des bid'a, des mukhalafat devant tout le monde, jahlun mutbiq, pourtant hafid li kitab illahi azza wa jal. Pourquoi li anna al-ba'd c'est devenu comme un travail? Il faut que je devienne imam, ou il a voulu devenir imam, donc il faut aller apprendre le Coran, il l'a pris par cœur et ça s'arrête là. Alors bah, tu lui demandes une chose, annahu, il l'a lu, fi salat, il l'a khalaf juste après. Peut-être que c'est même pas volontaire, Maïdri. Il sait même pas ce qu'il a lu. Ça, c'est une moussive. Les enfants, non. Mais les enfants, ils se consacrent au hivd. 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 15 ans, 16 ans, ils n'ont pas encore les capacités de tout comprendre. Enfin, si tu trouves, tu t'aperçois que ton enfant, il est nashit, il est qawif al-hivd et il avance, laisse-le se concentrer sur le hivd. Il est encore petit, il comprendra pas certaines choses. Mathalan, il va apprendre Sourate al-Baqarah. Là, chaque, il ne va pas comprendre tout ce qu'il y a dans Sourate al-Baqarah. Tout ce qui est lié au deyn, au divorce, il n'a pas besoin à son âge, il apprend par cœur. Ça lui viendra un jour. Amma nahnu, voilà, on essaye de comprendre. Et on commence par l'ahm, par le début. Comme on a déjà cité plusieurs fois, Sourate al-Fatiha, et les petites sourates, les sourates courtes qu'on récite souvent, et l'étude des moutons, ça facilite ça. Mathalan, si tu étudies Kitab Tawhid, tu vas étudier les versets fit Tawhid. Si tu étudies l'Wasatiyya, tu vas étudier les versets fit l'Aqid. Hakada, les moutons, tu étudieras les versets du Coran. Qala, wa tarku l'amal bil ilm ala qismin. Il termine ce chapitre avec cette faïda. Anna délaissé l'amal, et l'application du ilm, deux catégories. Al-awwal tarku. الائتمار بالواجبات الشرعية وترك والانتهاء عن المحرمات الشرعية هذه كبيرة من الكبائر عليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. Les adillas qu'on a cité, que ce soit les versets du Coran ou autre, et le wa'id al-shadid pour celui qui délaisse l'ilm, c'est celui qui ne met pas en application et les obligations. S'il a pris une obligation, مثلاً, l'obligation de faire salat et il délaisse la salat. Fahada, c'est très très grave. Ou, al-haram. Il connaît les versets, les ahadiths sur l'interdiction de riba, l'usure, et il continue à manger. Min hada al-mal al-haram. Hada il est à la khatar. Limada li anna, il doit appliquer les obligations et s'écarter des interdits. Limada li anna, il a du il. Ça, c'est le premier qism. Le deuxième, قال القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد. أما celui qui délaisse المستحبات, maintenant il a appris les bienfaits de jeûner tel jour, c'est pas obligatoire, ou tel salat, et il ne met pas en pratique, هذا كذلك, c'est pas طيب, لكن il ne rentre pas dans les hadiths et les versets كذلك التي فيها الوعيد, ceux qui délaissent l'ilm, la ressemblance au Yahoud, etc., tout ce qu'on a cité, هذا il rentre pas fi هذا الوعيد, لكن c'est pas طيب. خاصة pour العالم وطالب العلم. كما قال شيخ عبد السلام, قال إلا أن العالم وطالب العلم لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات والله أعلم. Pourquoi? لأن هؤلاء c'est قدوة للناس. Les savants, طلبة العلم, c'est des exemples pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on fait pour se montrer là, عيادا بالله. لكن mettre en application, أولا il y a une فائدة عظيمة pour toi, et كذلك c'est une دعوة pour les autres. أن on propage العلم بالقول et بالعمل. Et دائما on se rappelle de la récompense. دائما on se rappelle de la récompense. Enfin, on s'habitue pas à apprendre des choses et ne pas mettre en obligation, en application, même si c'est pas obligatoire, même si c'est pas recommandé. Là, on essaye de d'appliquer. وبالله التوفيق. قال ابن الجوزي رحمه الله والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. أثر جميل أو كلام جميل ده ستمام الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه الصيد الخاطر كما قال في الحاشية. المسكين كل المسكين وكنا ستسموها مسكين أي celui qui n'a pas d'argent أو qui a peu d'argent. فالمسكين كل المسكين أي celui qui ne profite pas. أي son état il a plaindre. من قال من ضاع عمره في علم لم يعمل به. أي une partie de sa vie أو sa vie il la passe à étudier sans appliquer. Pourquoi c'est un مسكين؟ قال ففاته لذات الدنيا. Il a pas profité de الدنيا. Il a fait des sacrifices. Peut-être qu'il restait au Mejid, peut-être qu'il restait chez lui. Il apprenait. لكن c'est un مسكين لماذا لأنه il mettait pas en application. فالدنيا il l'a pas eu contrairement à certains عياذا بالله ils ont pas l'akhira لكن ils ont الدنيا. Ça veut pas dire que ils ont gagné quelque chose là, لكن pour montrer أن هذا son état est encore plus critique, plus grave. قال ففاته لذات الدنيا et les plaisirs de الدنيا il les a pas eu. قال وخيرات الآخرة et الآخرة كذلك il l'aura pas. لماذا؟ لأنه c'est pas un طلب لله عز وجل et c'est pas mis en application. Il s'est privé في الدنيا et يوم القيامة il aura pas la récompense. هذا في الحقيقة c'est un مسكين. المسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به. Et en général si il met pas en application, en général il y a un problème في النية. قال ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة. فأخي الكريم, tous tes efforts que tu fais fil ilm, ces sacrifices, ce temps, tu te prives, inshallah, une bonne niya, et tu mets en application hatta tu profites. Hatta on ne fait pas partie de haoula al-masakin. Qala, faqadima muflisan. Qadima ayyoum al-qiyama. Ayyoum al-qiyama, il se présentera muflisan. Al-muflis, c'est celui qui a tout perdu. مثلاً, on dit Fulan, il avait une entreprise, il avait des biens, il a akhiré, c'est devenu un mouflis, il est ruiné, il a tout perdu. فهذا قال فقدم مفلسا, et il a tout perdu يوم القيامة. الدنيا il l'a pas eu, كذلك الآخرة الأعمال il les a pas fait. فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. En plus, الحجة قامت عليه, لأنه إسلام. أما بعض الناس يوم القيامة ils n'auront pas beaucoup d'amal, لكن dans certaines choses ils seront excusés. الحجة ما قامت عليهم. Des جهال dans certaines مسائل, dans certaines obligations, dans certains interdits. بعضهم ربما ils seront excusés, ولا شك. أما هذا الحجة القوية عليه. Il n'a aucune excuse لأنه il savait. بل peut-être qu'il mémorisait les preuves. Bel, peut-être il connaissait les paroles des savants sur la chose. Là, il n'y avait pas d'application. Enfin, c'est un mouflis. Et le hujja, elle est qawiyya. Allez, nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadad wa an yuwaffiqana li al-amal bil-ilm innahu wali wa thalik wal-qadiru alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alameen.